C'était sans doute l'homme le plus mystérieux du Proche-Orient. Mais j'emploie peut-être l'imparfait à tort. Avec ce diable d'homme, sait-on jamais. Je veux parler d'Abou Nidal, qui a sans doute été l'un des terroristes les plus redoutables des années 70 et 80. Un homme qui s'est toujours gardé d'apparaître en public, qui a fui les photographes toute sa vie et qui est vraisemblablement mort à Bagdad en 2002 dans des circonstances qui n'ont jamais vraiment été élucidées. Mais qui était ce terroriste palestinien à qui on attribuait un bon millier de morts et des dizaines d'attentats? Un petit bonhomme qui ne payait pas de mine, un bureaucrate de la lutte armée, d'après ceux qui l'ont connu, un type qui, paradoxalement, avait personnellement peur de la violence et savait à peine se servir du pistolet mitrailleur polonais WZ-63 qui ne quittait jamais son attaché-case. Étrange personnage qui s'est mis successivement, lui et son organisation de tueurs, au service de la plupart des pays arabes de la région et qui, farouche adversaire de Yasser Arafat, a peut-être fait assassiner plus de dirigeants palestiniens que les Israéliens eux-mêmes. Autant d'aspects qui soulèvent de nombreuses questions sur cet homme de l'ombre. Monsieur X m'avait promis depuis longtemps déjà de me parler d'Abou Nidal. Il s'est exécuté cette semaine. Abou Nidal, c'est un mythe, une sorte de super Carlos ou de Ben Laden, comme vous voudrez. Et à l'instar de ces deux-là, il a été une cible pour de nombreux services secrets. Jusqu'à ce jour d'août 2002, on a retrouvé le corps de ce terroriste à la retraite dans un appartement de Bagdad. Un suicide, attendez. Enfin, c'est ce qu'ont prétendu les Irakiens, oui. Abou Nidal, très malade, il souffrait, semblait-il, d'une leucémie, aurait choisi d'en finir. Mais on est quand même en droit de se poser des questions, parce que ceux qui ont vu le corps ont affirmé que la dépouille du terroriste était criblée de balles. Bizarre pour un suicide. Oui, alors... Bon, sa mort demeure un mystère. Hein. Ah, tout comme l'a été sa vie. D'accord, mais on ne peut tout de même pas évacuer la question si facilement. Oui, je suis d'accord. Bon. Il est en effet vraisemblable qu'Abou Nidal a été assassiné. Mais il y avait tellement de gens qui avaient de bonnes raisons de se débarrasser de lui. Soyez plus précis. Il y avait d'abord les Palestiniens de l'OLP. Abou Nidal, enfin, on va y revenir, avait mené une lutte sans merci contre les amis de Yasser Arafat qui l'accusaient de vouloir trouver un arrangement avec Israël. Mais il y avait aussi les Israéliens, justement. Abou Nidal avait commandité de nombreux attentats contre les Juifs. On peut aussi s'interroger sur la responsabilité de plusieurs services de pays arabes. Pourquoi ? Parce qu'Abou Nidal en a trahi pas mal. Et puis on ne peut pas s'empêcher de penser aux Irakiens, qui lui avaient donné refuge après s'être fâché avec lui à de nombreuses reprises. Les Irakiens qui, en 2002, pouvaient déjà craindre une attaque américaine. Saddam Hussein a peut-être eu envie de se débarrasser de cet hôte très encombrant qui faisait tache dans le paysage irakien. Ou encore de faire disparaître un homme qui en savait beaucoup sur son régime. Beaucoup trop. Ouais, ça veut dire qu'on a le choix. Alors. Exactement. Ouais. Et si vous voulez mon avis, on ne saura certainement jamais la vérité. Mais c'était sans doute le destin de cet homme de l'ombre. Et j'emploie l'expression à dessein, car les ombres demeurent quand on essaie de comprendre ce qu'a été réellement l'existence de ce type. Des ombres qui pèsent toujours sur l'histoire du Proche-Orient. Bon, alors, par où désirez-vous commencer ? Eh bien, pour une fois, si nous commencions par le début. Oui, bonne idée, je vous écoute. Le bonhomme, d'abord. Tous ceux qui l'ont approché l'ont décrit comme un homme de commerce aimable, physiquement fragile. Toutefois, je suis sûr que c'était un vernis. Car Abou Nidal était en vérité un paranoïaque qui avait tendance à voir des complots partout. Un ambitieux aussi, persuadé d'être un homme supérieur. Et enfin, un personnage fasciné par l'argent. Un joli portrait. Hein. J'ajoute qu'un trait de caractère a particulièrement frappé ses interlocuteurs. Abou Nidal était terrifié par la violence. Et lui qui a toute sa vie commandité des actions sanglantes. Oui, ouais, c'était de la violence qui pouvait être exercée à son endroit, dont il avait peur. Ouais, je comprends. D'ailleurs, il faut bien souligner qu'Abou Nidal n'a jamais agi par lui-même. Il lançait ses tueurs, mais il se gardait bien d'intervenir personnellement. Bah, il était peut-être allergique à la vue. Oui, enfin, plus sérieusement, ceux qu'il connaissait bien ont prétendu qu'il aurait été incapable de se servir d'une arme. Curieux terroriste, non hein. Alors, sa vie, ses racines J'ajoute quand même, avant de répondre à votre dernière question, que ce terroriste apparemment paisible avait un sérieux défaut. Il avait tendance à boire du whisky plus qu'il n'était raisonnable. Bon, passons aux origines. Abou Nidal, dont le vrai nom est Sabri Albana. Ah oui, parce qu'Abou Nidal, c'est son nom de guerre. Oui. Ouais. Et au fait, ça signifie quoi ? Le père de la lutte. Vous voyez qu'il avait une haute idée de lui-même. Donc, Sabri Albana est né en Palestine, dans la ville de Jaffa, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Son père est riche, très riche. C'est un grand propriétaire terrien dont le domaine est confisqué par les sionistes peu après la création de l'État d'Israël. Un détail qui a sans doute son importance, même si je ne veux pas faire de la psychologie à bon marché. La mère de Sabri est une domestique. Elle est une femme de condition inférieure. Et même si le père d'Abou Nidal, qui avait déjà de nombreuses femmes, a fini par l'épouser, il est certain que le garçon demeurera marqué par ce fait. D'ailleurs, à la mort du père en 1945, le clan familial chassera la mère de Sabri. Et lui, là, le garçon, il reste dans la famille de son père ? Oui, mais il est élevé avec ses demi-frères et sœurs, mais il est mis à l'écart. Ouais, c'est l'enfant de la domestique. Bien sûr, hein. À jamais. Et quand la famille est expulsée hein ? Le clan trouve refuge dans un secteur encore contrôlé par les Égyptiens. Mais après la première guerre israélo-arabe, les Bana s'installent d'abord dans un camp de réfugiés de Gaza, puis ils partent pour Naplouse. En Cisjordanie, donc. Hein. Qui est Cisjordanie actuelle. Oui, oui. Qui est alors partie intégrante du royaume de Jordanie. Il est certain que pour cette famille qui vivait de façon très aisée, c'est un vrai choc, à la fois psychologique et économique. Et c'est particulièrement vrai pour Sabri, qui est le vilain petit canard de la famille. Hein. Que devient-il ? Le futur Abou Nidal abandonne très vite ses études et gagne sa vie en effectuant des petits travaux. Pas très brillant. Non, il vivote et plutôt mal. Il essaie quand même de reprendre ses études. Mais il a pris trop de retard et il renonce assez vite. Et politiquement alors ? Comme la grande majorité des Palestiniens expulsés, il est naturellement très hostile à Israël. Et il commence à s'intéresser à l'action politique. C'est ainsi qu'il va rejoindre la branche jordanienne du Parti Baas. Le Parti Baas, c'est un parti pan-arabe, hein, très, très nationaliste et d'inspiration plutôt socialiste. Et résolument anti-sioniste, c'est exact. Oui. Sabri participe alors à des manifestations. Puis à l'âge de 18 ans, il part pour l'Arabie Saoudite. Un exil, mais dans quel but Le jeune homme veut d'abord travailler. Et il va créer à Riyad une société artisanale de peinture et d'électricité qui va devenir assez vite florissante. Mais sa grande affaire, c'est la politique. Et il crée un petit mouvement. L'organisation secrète de Palestine et ambitionne d'envoyer des émissaires dans toutes les capitales arabes. C'est sérieux, là, cette organisation secrète ? Pas trop, non, mais enfin, c'est un début. Ah, oui. En tout cas, enfin, si je vous ai bien entendu, hein, en dehors de ses convictions politiques, Abou Nidal a un certain sens des affaires. Hein. Oui, il le prouvera plus tard en gérant avec brio l'argent du terrorisme. Enfin, n'allons pas trop vite. Dès la création du Fatah, à la fin des années 50, Abou Nidal se joint à ce mouvement anti-israélien dont beaucoup de membres sont des frères musulmans d'origine palestinienne et chassés d'Égypte par Nasser. Dont Yasser Arafat. Hein. Arafat qui en deviendra assez rapidement le chef. Et Abou Nidal ? Il est rapidement remarqué par ses pairs. Il a du bagou, de l'entrejambe, et il occupe déjà une situation enviable en Arabie Saoudite. En fait, il est marié ? Oui, il a épousé une jeune fille de bonne famille qui a reçu une excellente éducation. Donc, Abou Nidal devient peu à peu un membre éminent du Fatah. Et lorsqu'il sera expulsé d'Arabie, il s'installera à Amman, la capitale de la Jordanie, et montrera une nouvelle entreprise qui connaîtra le succès. Et expulsé, mais pour quelle raison ? Les Saoudiens n'apprécient pas beaucoup la présence chez eux de ces Palestiniens turbulents. Il paraît même qu'avant d'être expulsé, Abou Nidal aurait été arrêté et torturé. Mais à vrai dire, je n'en sais pas plus. Quoi qu'il en soit, à Amman, ses bureaux deviennent rapidement un point de rencontre pour les militants du Fatah, qui est, ne l'oublions pas, une organisation clandestine. Et qui va bientôt se lancer dans l'action armée. Hein. À partir de 1965, oui. Ce sont essentiellement des incursions dans les villages frontaliers. À l'intérieur d'Israël. Hein, oui. Après la guerre des six jours. Et l'occupation de Partsal, de la Cisjordanie et de Gaza. Hein, c'est ça. Oui, donc, après la guerre, Abou Nidal est envoyé par le Fatah au Soudan, où il est chargé de représenter le Fatah qui vient d'adhérer à l'OLP. L'OLP, c'est l'Organisation de Libération de la Palestine, faut le rappeler. Dont le Fatah demeure la principale composante. Puis Abou Nidal revient à Amman et part en Irak, juste avant ce qu'on a appelé Septembre Noir. C'est-à-dire le massacre des Palestiniens par l'armée du roi Hussein. Et leur expulsion de Jordanie qui les conduira à s'installer au Liban, oui. Un événement qui aura une importance énorme dans l'histoire du mouvement palestinien et aussi celle de toute la région. Mais revenons à Abou Nidal. En Irak, il conforte sa position et noue des contacts importants avec les gens qui comptent en Irak, naturellement. Mais aussi avec tous les Palestiniens qui passent par Bagdad. Et en dehors de ces contacts utiles, que fait-il en Irak ? Il obtient du régime baasiste la création de camps d'entraînement. Et c'est lui aussi qui collecte armes et argent pour la cause palestinienne. Et dès ce moment, Abou Nidal commence à se poser en tant que rival d'Arafat. Revenons un instant sur la mort d'Abou Nidal. De nombreuses hypothèses ont été aussitôt émises. En voici une sorte de florilège à travers la presse internationale. Kenneth Timmerman, spécialiste du Moyen-Orient, confie au Wall Street Journal ne pas croire un instant au suicide de l'ancien caïd des années 70 et 80. Mais alors qui selon l'expert, aurait mis fin à la vie de celui qui en savait trop. Ce pourrait être le Mossad. Après une série de revers, les services secrets israéliens démontreraient ainsi leur capacité à opérer à Bagdad, un des environnements les plus hostiles de la planète. L'opposition irakienne serait une autre possibilité. Elle aspire en effet à prendre le pouvoir après l'intervention américaine annoncée et démontrerait à Washington, en assassinant le vieux dirigeant palestinien, sa capacité à agir au cœur du pays. En tout cas, conclut l'auteur, toutes ces hypothèses valent mieux qu'un suicide. Un sentiment partagé par des proches du terroriste. Abou Linal n'aurait jamais pu suicider, sa forte personnalité n'aurait pu le mener à cet acte, confie un ami du défunt au quotidien arabe, Ashark Al-Afsat. Au contraire, ce serait les services secrets irakiens qui auraient monté le coup. Son assassinat serait la conséquence de la découverte par le pouvoir irakien de relations entre le groupe d'Abou Linal et le pouvoir koweïtien. Die Welt émet pour sa part l'hypothèse que, en assassinant l'ennemi juré de l'Occident et d'Arafat, le pouvoir irakien cherche à prolonger sa survie, soit en tant que puissance protectrice d'Arafat, soit en participant à la lutte antiterroriste. Une thèse que rébute pour sa part Debka Files, un site de renseignements israéliens. Cet assassinat est un signal de Saddam Hussein à Arafat, ne collabore pas avec Washington et ne nous trahit pas, sinon... Le flou reste donc total, mais conclut le Wall Street Journal, la liste des invités aux funérailles du dirigeant palestinien sera étudiée par l'ensemble des services secrets mondiaux. En fait, l'évolution de celui qui se fait maintenant appeler Abou Linal a commencé avec cet homme noir. Il accuse à demi-mot certains leaders de l'OLP de s'être conduit en lâche et d'avoir signé un cessez-le-feu avec le roi Hussein. Et alors que lui-même se trouvait déjà à l'abri en Irak. Oui, hein, c'est juste. Et ses attaques vont se faire de plus en plus violentes. Elvis Tarafat ? Pas nommément. Mais il est évident que le dirigeant palestinien ne peut pas ne pas comprendre. Et à force de provocation, Abou Linal finit par être viré de l'OLP. C'est peut-être ce qu'il cherchait après tout. Je le pense, oui. Et comme il a vu qu'il ne pouvait pas prendre la place de Yasser Arafat, il a cherché la rupture. Afin de créer sa propre organisation. Bien entendu, ce sera le Fatah Conseil révolutionnaire. Il demeure à Bagdad. Oui, il s'y sent très bien. Les Irakiens, malgré la rupture avec Arafat, qui n'aime guère, continuent à l'héberger et à lui permettre d'entraîner ses hommes. Et l'argent, alors, d'où vient-il ? Les pays arabes de la région sont riches, très riches. Et la plupart préfèrent financer les mouvements palestiniens que de les voir venir s'installer chez eux. En outre, vous verrez par la suite, Abou Linal va avoir recours à des moyens très persuasifs pour obtenir de l'argent. Et la violence. Bien sûr. Et le chantage aussi. Mais encore un peu de patience. Tout cela annonce en tout cas qu'il va bientôt passer à l'action. Et ce bureaucrate de la terreur, comme on l'a surnommé, engage ses commandos dans une première action à la fin de l'été 1973. Et ça se passe chez nous. En France, vous voulez dire ? Oui. 5 Palestiniens armés parviennent à pénétrer dans l'ambassade saoudienne à Paris. Ils prennent une dizaine de membres du personnel diplomatique en otage et réclament la libération d'un ami d'Abou Linal, Abou Daoud, qui a été emprisonné et torturé en Jordanie. Sans doute après avoir tenté d'assassiner le roi Hussein. Et comment ça se termine, cette prise d'otage ? Après de longues négociations, le gouvernement français autorise les terroristes et leurs otages à prendre un vol pour le Koweït. Et c'est dans cet émirat, à la suite d'un aller-retour à Riyad, que les otages finiront par être libérés. Et 3 semaines plus tard, sous la pression de l'Arabie Saoudite, les Jordaniens consentiront à élargir Abou Daoud. Ouais, un premier succès, si j'ose dire, de l'organisation d'Abou Linal. Oui, mais si on les regarde de plus près, on a déjà un aperçu de la méthode d'Abou Linal. C'est-à-dire ? Certes, l'objectif apparent, c'est d'obtenir la libération d'Abou Daoud. Oui. Un homme qui, entre parenthèses, finira par rejoindre le camp des Palestiniens modérés et deviendra une cible pour son ancien ami. Mais en réalité, cette affaire cache autre chose. La prise d'otage coïncide exactement avec l'ouverture à Alger de la 4e conférence des pays non alignés, un sommet que l'Irak a décidé de bouder. Et la spectaculaire prise d'otage du commando Abou Linal va torpiller en partie la conférence. Et vous pensez qu'en organisant cette opération, Abou Linal a voulu d'abord donner satisfaction aux Irakiens dont il était le protégé ? Je le crois, oui. Et le chef terroriste ne tarde pas à recevoir sa récompense. Bagdad transfère à l'organisation d'Abou Linal tous les privilèges qui étaient auparavant accordés à l'OLP. Donc maintenant, la guerre entre les deux organisations rivales. Oui, il y a une guerre particulièrement sanglante, car, notez-le bien, Abou Linal va s'attaquer en priorité à ses anciens amis, et il en fera assassiner un bon nombre. Ça lui vaudra d'être condamné à mort par l'OLP. Mais ici, je voudrais tout de suite introduire une observation importante. La plupart de ces assassinats de Palestiniens, ils vont être nombreux, ne sont pas revendiqués. Ou alors, ils le sont par des mouvements au nom fantaisiste inventés pour la circonstance. Afin de brouiller les pistes ? Bien sûr. Or, qui peut avoir intérêt à commettre ces meurtres ? Les Palestiniens, donc. C'est les Israéliens. Les Israéliens. Ou Abou Nidal, l'ennemi des Palestiniens modérés et de tous ceux qui vont progressivement renoncer à la lutte armée. Étrange cette confusion, n'est-ce pas ? Vous dire que entre Israéliens et Palestiniens d'Abou Nidal, les intérêts convergents ? L'an mobile, en tout cas. Mais je ne veux pas en dire plus pour le moment. En même temps, Abou Nidal structure son organisation. Il la dote d'une administration, de services secrets, d'une division militaire, et crée une radio et surtout plusieurs camps d'entraînement où sont formés les futurs terroristes. Bref, le Fatah Conseil révolutionnaire, grâce à l'Irak, monte en puissance. Et à l'occasion, il continue à donner un coup de main à son protecteur. En guise de remerciement. Évidemment. Ainsi, il est pratiquement acquis que ce sont les hommes d'Abou Nidal qui vont massacrer systématiquement les communistes irakiens. Sans doute à partir de renseignements fournis par la CIA. Ah ben, il y a longtemps que vous ne m'avez pas parlé de la CIA. Bon, écoutez, je vous en prie. C'était une simple remarque. Je voudrais ajouter qu'Abou Nidal n'a aucun mal à recruter. Dans les camps de réfugiés palestiniens, nombreux sont les jeunes qui vivent dans des conditions misérables. Le dirigeant terroriste leur propose d'échapper à la promiscuité et de lutter pour un idéal, le combat contre le sionisme et l'impérialisme. Et la libération de la Palestine. En outre, je vous l'ai dit, Abou Nidal ne manque pas d'argent. Pour autant, ces camps d'entraînement sont loin de ressembler au village du Club Med. Hein. La discipline est rigoureuse, les contacts avec l'extérieur sont limités et égard à celui qui ne respecte pas ses consignes. Les punitions pleuvent. Ça peut aller jusqu'à la mort. Abou Nidal est obsédé par la trahison. Mais il est bien placé pour, non ? C'est certain, oui. Alors, tout au long de ces années qui suivent la création du Fatah Conseil révolutionnaire, l'organisation va multiplier les assassinats et les attentats. Enfin, je ne vais quand même pas en dresser la liste, ce serait peut-être trop fastidieux. Ouais, des exemples, quand même. Bon, prenons l'année 76. En septembre, un commando attaque un hôtel en Syrie. Ça se termine par un vrai carnage. En octobre, ce sont les ambassades syriennes de Rome et d'Islamabad qui sont visées. Puis, l'hôtel intercontinental, à Amman, en novembre. Et enfin, en décembre, un autre commando rate de peu le ministre syrien des Affaires étrangères. J'observe que ce sont surtout la Syrie et la Jordanie qui sont les cibles. C'est-à-dire des pays qui entretiennent des relations détestables avec l'Irak. Abou Nidal n'oublie jamais de rendre service à son puissant protecteur. Il faut aussi dire que l'Égypte, qui vient de signer les accords de Camp David avec Israël, n'est pas oubliée. En 1978, son ministre de la Culture est abattu à Nicosie. Mmh. Et l'OLPR ? C'est une cible permanente. Toujours en 1978, plusieurs dirigeants vont tomber sous les balles des hommes d'Abou Nidal. Les représentants de l'OLP à Londres, au Koweït et à Paris. Une véritable hécatombe. Arafat ne lui rend pas l'appareil ? Difficile. À Bagdad, Abou Nidal est trop bien protégé. Mais ailleurs que dans leur sanctuaire irakien, des hommes du Fatah Conseil révolutionnaire tomberont aussi dans cette guerre impitoyable entre frères ennemis. Toutefois, Abou Nidal va bientôt connaître quelques difficultés avec son mécène irakien. Pourquoi ? Saddam Hussein, qui était jusque-là le numéro 2 du régime, accède au pouvoir suprême en 1979. Et il va peu à peu amorcer une politique de réconciliation avec les pays arabes. À cause de la menace iranienne, j'imagine. Oui, en Iran, les islamistes se sont emparés du pouvoir. Et dans l'inévitable confrontation qui menace, Saddam Hussein a besoin du soutien de ses voisins. Il doit aussi bénéficier de l'aide militaire de l'Occident. Or, la protection que son pays accorde aux terroristes Abou Nidal peut devenir embarrassante. Par conséquent, il va progressivement prendre ses distances avec l'ennemi de Yasser Arafat. Conséquence, Abou Nidal va devoir se trouver un nouveau protecteur. Dans un article de l'événement du jeudi daté de 1992, Alexandre Boussajon revient sur le parcours d'Abou Nidal. Je le cite. À peine installé à Bagdad, le protégé d'Abou Iyad trahit la centrale palestinienne. Alors qu'en Jordanie, les troupes du roi Hussein dévastent les camps palestiniens, il ne parvient pas à obtenir de l'Irak que ce dernier vole au secours de ses frères. Mais a-t-il seulement essayé ? Lorsque ceux-ci, vaincus, n'ont d'autre issue qu'accepter le cessez-le-feu du petit roi, Abou Nidal se contente de dénoncer de sa paisible retraite la couardise de leur chef. En réalité, Abou Nidal est au service du régime irakien du président Bakr. S'il ne traite pas encore Arafat de juif caché d'ascendance marocaine, il est grassement payé pour saboter une organisation palestinienne jugée bien trop indépendante par Bagdad. Il touche chaque mois les 150 000 dollars que le régime versait auparavant au Fatah. C'est tout bénéfice pour Israël qui assiste aux premières divisions palestiniennes sans bourse déliée. Passeport, études à l'étranger pour les enfants de ses lieutenants, communication, camp d'entraînement, l'Irak ne refuse rien à son hôte. En 1979, c'est encore Bagdad qui règle la facture d'un hôpital suédois lorsqu'il faut soigner le terroriste victime d'une attaque cardiaque. En froid, Avec Saddam Hussein, vers qui Abou Nidal peut-il se tourner? La Syrie. Mais malgré tous les coups qu'il a portés contre ce pays. Oui, oui, c'est ça le réalisme politique. Le président Hafez al-Assad a besoin de lui. D'abord, parce que la Syrie veut se débarrasser de ses opposants, essentiellement les frères musulmans. Or, Abou Nidal a fait la preuve en Irak, lors de la liquidation des communistes, qu'il excellait dans ce genre de sale besogne. D'autre part, Hafez al-Assad a des visées sur le Liban. Le Liban, où l'OLP est durablement installé et pourrait représenter un obstacle aux ambitions syriennes. Mais est-ce que pour autant Abou Nidal rompt totalement avec l'Irak? Non, non, ça va être progressif. Pendant longtemps encore, Saddam Hussein tolérera que son organisation continue d'entraîner ses hommes en Irak. Mais peu à peu, les relations vont se distendre. Jusqu'au jour où Abou Nidal et ses militants seront proprement expulsés. À cause de ses nouveaux liens avec la Syrie? Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça. Abou Nidal a ajouté une corde à son arc, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quoi? Le chantage. Abou Nidal aime beaucoup l'argent. Et il va aller le chercher dans la poche de ceux qui en ont énormément. Ah oui, les émirs du Golfe. Bien entendu. Ouais, ouais. Et pour lui, qui possède un outil militaire très efficace, c'est simple. Ou vous contribuez au financement de mon organisation, ou je vous attaque. Et pour bien se faire comprendre, Abou Nidal leur envoie des signaux très forts, comme on dit aujourd'hui. En 1983, je crois, un consul des Émirats Arabes Unis est assassiné à Bombay. Puis c'est un diplomate koweïtien qui est tué à Madrid. Ah ouais. Alors, le Koweït et les Émirats paient ? C'est vraisemblable, mais pas assez aux yeux d'Abou Nidal. Alors il récidive un an plus tard. Et là, il fait vraiment très fort. Il organise l'explosion en vol d'un avion de la Gulf Air au-dessus d'Abu Dhabi. Bilan, 105 morts. Cette fois, les dirigeants des Émirats ne bargainent plus et versent à Abou Nidal des millions et des millions de dollars. C'est épouvantable, ce chantage au terrorisme. Là, je suis d'accord avec vous, mais c'est très rentable. Ouais. Alors, toute proportion gardée, hein. Ça rappelle un peu les méthodes utilisées en Corse. Hein. Bon. Oui, je suis certain que les Saoudiens aussi ont payé leur écho. Ouais, de peur d'être frappés à leur tour. Bien sûr. En outre, Abou Nidal avait un bon argument à faire valoir. Riyad finançait généreusement l'OLP. Le Fatah Conseil révolutionnaire devait donc bénéficier des mêmes privilèges. En tout cas, ça précipite la rupture d'Abou Nidal avec l'Irak. Saddam Hussein, qui mène une guerre très coûteuse en hommes et en dollars contre l'Iran, en effet besoin de l'aide financière des pays du Golfe. Et par conséquent, il ne peut donner l'asile à un terroriste qui leur extorque des millions de dollars. Naturellement. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le terroriste se réfugie alors pleinement dans les bras du président syrien. Oui, vers 1983 ou 84. Mais entre-temps, il s'est plus ou moins installé en Pologne, où il a fait d'excellentes affaires et où probablement il a acheté des armes. Vous n'avez pas encore abordé un autre aspect. Abou Nidal frappe aussi en Europe, hein, et pas seulement des cibles palestiniennes. Vous avez parfaitement raison. Chez nous, en particulier, Abou Nidal l'aurait frappé à deux reprises. Et vous employez le conditionnel? Parce que dans ce genre d'affaires, on ne peut bien souvent émettre que des hypothèses. Alors sans doute, vous souvenez-vous de ces deux attentats. Le premier, c'est celui de la rue Copernic à Paris. Un attentat contre une synagogue. C'est ça. Et ensuite, deux ans plus tard, c'est le restaurant Goldenberg de la rue des Rosiers, toujours à Paris, qui est frappé. Il y a de nombreux morts et on imputera la responsabilité de cet attentat à Abou Nidal parce que une des armes sera retrouvée, un pistolet mitrailleur polonais qui équipe d'habitude ces tueurs. Oui, mais qu'est-ce qui explique ces attentats contre des juifs en France? On ne sait pas exactement. Le premier, celui de la rue Copernic, pourrait à l'extrême rigueur être justifié par la déclaration faite à l'issue d'un sommet européen qui s'est tenu 3 mois plus tôt. Déclaration qui prônait l'idée de négociations entre Israël et l'OLP. A noter d'ailleurs que tout de suite après ce sommet, une école juive a aussi été mitraillée en verre. Oui, mais enfin, rien de certain. Non. Quant à l'attentat de la rue des Rosiers, c'est à peu près la même chose. Certains ont cru pouvoir affirmer qu'Abou Nidal voulait ainsi se venger de la France, qui avait permis à Arafat de quitter le Liban sain et sauf. Mais là encore, ce ne sont que des conjectures. Abou Nidal, il ne faut pas l'oublier, était devenu un mercenaire. Ah, ça voulait dire qu'il avait très bien pu exécuter un contrat. Oui. Ouais. Mais pour le compte de qui, alors? À l'époque, la France était très engagée au Liban, et les extrémistes chiïtes ne nous portaient pas dans leur cœur. Il y avait aussi le conflit financier avec l'Iran. Alors, je vous l'avoue, je n'en sais rien. Enfin, c'est quand même pas un hasard si ce sont des juifs qui ont été visés. Sans doute. On ne s'y serait pas pris autrement si on avait voulu exacerber la haine entre les Arabes et les juifs. Mais c'est tout ce que je puis dire. Bon. Abou Nidal va rester longtemps en Syrie? Non. Non, les Syriens ne sont pas aussi généreux que les Irakiens. En plus, manifestement, le président Assad n'a qu'une confiance limitée dans le chef terroriste. Il n'a peut-être pas peur. En effet. Après la Syrie, Abou Nidal va passer au service de la Libye. Nous en avons parlé il y a très peu de temps. Ouais. Et là encore, il va jouer le rôle de mercenaire ? Oui, oui, il met à la disposition du colonel Kadhafi son organisation. Ça se traduira par de nombreux attentats en Europe et au Proche-Orient, et aussi des assassinats d'opposants libyens. Abu Nidal, après le raid américain sur Tripoli, vengera aussi son ami Kadhafi en faisant assassiner un journaliste anglais enlevé au Liban. Et comment Kadhafi le traite-t-il ? Avec munificence. Ah. Villa, facilité en tout genre, argent. Abu Nidal et ses hommes ne manquent de rien. Le colonel libyen ferme même les yeux quand le terroriste, qui craint toujours d'être trahi par les siens, ordonne l'exécution de dizaines de ses partisans. Enfin, tout a une fin. C'est-à-dire ? Kadhafi, qui est de plus en plus soumis aux pressions de Washington, finit par comprendre, lui aussi, qu'il doit prendre ses distances avec le terroriste. Même si Abu Nidal lui a rendu d'incontestables services. À commencer par celui de prendre à son compte toutes les sales besognes. Alors, après la Libye ? Abu Nidal, à la fin des années 80, est très malade. Et il est hospitalisé en Égypte. L'Égypte a pourtant été aussi l'une de ses cibles privilégiées. C'est juste. Et ça signifie qu'on peut parfois oublier les pires griefs si on y a intérêt. Non, parce que les Égyptiens ont intérêt à accueillir Abu Nidal. Abu Nidal les a certainement aidés à lutter contre leurs éternels adversaires, les frères musulmans. Mais naturellement, au Caire, personne ne s'est vanté d'avoir eu recours au service d'Abu Nidal. La suite, c'est un désengagement progressif au début des années 90. Ouais, la retraite, quoi. Presque. Abu Nidal est alors assis sur un véritable matelas d'or. Mais il ne peut guère en profiter, tant de services secrets veulent sa peau. Alors c'est sans doute pourquoi il trouvera asile chez Saddam Hussein, où il se pensait à l'abri. Mais je voudrais revenir sur un point très obscur. Si on fait le bilan des actions sanglantes d'Abu Nidal, on est effaré par le nombre de dirigeants palestiniens qu'il a fait abattre. Oui, des proches de Yasser Arafat, en fait. Hein. Et souvent des hommes de grande valeur qui auraient pu jouer un rôle éminent dans le processus de paix. Des hommes qui auraient pu avoir une grande influence sur leur leader. Et c'est très troublant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut s'empêcher de se poser la question de la complicité objective qui aurait pu exister entre Abu Nidal et Israël. C'est quand même un peu gros, non ? Vous rappeliez vous-même qu'Abu Nidal avait fait tuer de nombreux juifs, et même organiser des attentats contre elle. C'est vrai, c'est vrai, à Rome et à Vienne. Mais ce Palestinien, censé lutter pour la libération de son pays, a très peu agi en faveur de cette cause. En réalité, la plupart des dizaines d'attentats dont il a été responsable n'ont pas été des attentats palestiniens, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais peut-être, mais de là, imaginer une complicité avec Israël... Ah, sans doute, mais moi, vous le savez bien, je crois à la vieille formule « à qui profite le crime ?» Et bien souvent, il a profité à Israël. Je vais vous en donner une preuve. Au début de 1982, les Israéliens alliés des chrétiens libanais n'attendent qu'une occasion pour envahir le Liban et débarrasser le pays de ses Palestiniens. Une occasion, vous voulez dire un prétexte ? Exactement. Et à plusieurs reprises, le gouvernement a dû réfréner les ardeurs du ministre de la Défense, Ariel Sharon, qui voulait en découdre au plus vite. Or, ce prétexte, c'est Abu Nidal qui va le leur fournir. En juin 82, ces tueurs tirent sur l'ambassadeur d'Israël à Londres. Le diplomate survivra à cet attentat, mais là n'est pas l'essentiel. Dès le lendemain, l'aviation israélienne bombarde Beyrouth. Et le surlendemain, Sahal franchit la frontière libanaise et attaque. Voilà pourquoi je m'interroge. Cette thèse assez provocatrice a été en particulier formulée par un journaliste américain, Patrick Seale, dans un livre paru en 1992. Un livre au titre très clair, Abu Nidal, une arme à louer. Peut-on penser pour autant que l'État hébreu a loué les services du terroriste? Je m'en garderai bien. Toutefois, et là encore c'est étrange, plusieurs spécialistes du Proche-Orient font observer que les services secrets israéliens ne se sont jamais attaqués aux hommes d'Abu Nidal.